Luc chapitre 23. Puis ils se levèrent tous, et le menèrent à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme sollicitant la nation à la révolte, et défendant de donner le tribut à César, et se disant être le Christ, le roi. » Et Pilate l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondant, lui dit, « Tu le dis. » Alors Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la troupe du peuple, « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais il insistait encore davantage, disant, « Il émeut le peuple, enseignant par toute la Judée, et ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. » Or, quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui en ces jours-là était aussi à Jérusalem. Et lorsqu'Hérode vit Jésus, il en fut fort joyeux, car il y avait longtemps qu'il désirait de le voir, à cause qu'il entendait dire plusieurs choses de lui, et il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Il l'interrogea donc par divers discours, mais Jésus ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes comparurent, l'accusant avec une grande véhémence. Mais Hérode avec ses gens l'ayant méprisé, et s'étant moqué de lui, après qu'il l'eut revêtu d'un vêtement blanc, le renvoya à Pilate. Et en ce même jour Pilate et Hérode devinrent amis entre eux, car auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate ayant appelé les principaux sacrificateurs, et les gouverneurs, et le peuple, il leur dit, « Vous m'avez présenté cet homme comme soulevant le peuple, et voici, l'en ayant fait répondre devant vous, je n'ai trouvé en cet homme aucun de ces crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui, et voici, rien ne lui a été fait qui marque qu'il soit digne de mort. Quand donc je l'aurai fait fouetter, je le relâcherai. » Or il fallait qu'il leur relâchât quelqu'un à la fête. Et toutes les troupes s'écrièrent ensemble, disant, « Ôte celui-ci, et relâche-nous Barabbas, qui avait été mis en prison pour quelques séditions faites dans la ville, avec meurtre. » Pilate donc leur parla encore, voulant relâcher Jésus. Mais ils s'écriaient, disant, « Crucifie, crucifie-le. » Et il leur dit, « Pour la troisième fois, mais quel mal a fait cet homme ? Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort, l'ayant donc fait fouetter, je le relâcherai. » Mais il insistait à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris, et ceux des principaux sacrificateurs, se renforçaient. Alors Pilate prononça que ce qu'il demandait, fût fait. Et il leur relâcha celui qui pour sédition et pour meurtre avait été mis en prison, et lequel il demandait, et il abandonna Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénien, qui venait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter après Jésus. Or il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes, qui se frappaient la poitrine, et le pleuraient. Mais Jésus se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-même, et sur vos enfants. Car voici, les jours viendront auxquels on dira, « Bienheureuses sont les stériles, et celles qui n'ont point eu d'enfants, et les mamelles qui n'ont point nourri. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. » Car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ? Deux autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent menés pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent venus au lieu qui est appelé le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs aussi, l'un à la droite, et l'autre à la gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils firent ensuite le partage de ses vêtements, et ils les jetèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant, et les gouverneurs aussi se moquaient de lui avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, et lui présentant du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Or il y avait au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, et romaines, et hébraïques, en ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié, l'outrageait, disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre prenant la parole, le censurait fortement, disant, « Au moins ne crains-tu point Dieu, puisque tu es dans la même condamnation ? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons des choses dignes de nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Puis il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras en ton règne. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, qu'aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. » Or il était environ 6 heures, et il se fit des ténèbres par tout le pays jusqu'à 9 heures. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus criant à haute voix, dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ayant dit cela, il rendit l'esprit. Or le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, « Certes cet homme était juste. » Et toutes les troupes qui s'étaient assemblées à ce spectacle, voyant les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient frappant leur poitrine. Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qui l'avaient suivi de Galilée, se tenaient loin, regardant ces choses. Et voici, un personnage, appelé Joseph, conseiller, homme de bien, et juste, qui n'avait point consenti à leur résolution, ni à leur action, lequel était d'Arimathée, ville des Juifs, et qui aussi attendait le règne de Dieu. Étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus, et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa dans un linceul, et le mit en un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Or c'était le jour de la préparation, et le jour du sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, regardèrent le sépulcre, et comment le corps de Jésus y était mis. Puis s'en étant retournées, elles préparèrent des drogues aromatiques et des parfums, et le jour du sabbat elles se reposèrent, selon le commandement de la loi.